Bonjour ami Verseau et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril, mais cette fois consacré à vos amours. Donc, quel va être le message de l'oracle de Béline concernant vos amours? Alors, la coupe, elle est très sympathique, de Jupiter, l'aigle couronné et le hasard, qui est aussi la providence. Donc apparemment, eh bien, c'est un mois de réussite où vous allez être mis en avant. Mise en avant, mais ce n'est que la coupe. Donc, quel est le tirage? Amour. Avril 2023, Sagittaire. Ah! Bon bah, il est dedans, heureusement que la coupe était bonne, parce qu'ici c'est moins bon. Ah! Heureusement, je comprends mieux. Écoutez, apparemment, alors encore une fois ici, je fais pas ça pour tout le monde, mais là, on a besoin. Donc, si vous êtes célibataire, je dois faire deux petits tirages. Si vous êtes célibataire, vous risquez une grosse déception en début de mois ou jusqu'à première partie du mois avec une personne qui vous plaisait beaucoup. Peut-être que vous aviez des échanges sur les réseaux, quelque chose comme ça. Et j'essaie de vous montrer cette carte. Mais en tout cas, sachez que l'affaire ne prend pas, si je peux m'exprimer comme ça. Et derrière, par contre, ne désespérez pas. Moi, je pense que vous allez tourner une page avec une personne. Je ne suis même pas sûre qu'il se soit passé quelque chose de très concret. En tout cas, il y a un espoir qui se meurt. Et vous allez faire une nouvelle rencontre, par contre, en deuxième partie de mois, voire vers la fin du mois. Et une rencontre vraiment avec une personne qui a vraiment très, très envie de vous rencontrer et peut-être d'explorer quelque chose avec vous. Donc là, c'est très positif. Donc, bon, ne désespérez pas au départ. Pour les couples, on dirait que, pareil, alors vous, première partie du mois, elle n'est pas très bonne. Vous allez peut-être être déçu du comportement de votre compagnon, de votre compagne, qui risque de ne pas vous appuyer, de ne pas vous suivre comme vous l'espériez dans un projet qui vous tient à cœur ou quelque chose qui vous concerne davantage. Et c'est vrai que vous allez vous sentir peu épaulé dans un projet peut-être à vous, un projet professionnel ou quelque chose de personnel, mais qui vous concerne davantage, vous, et votre compagne ou compagnon ne va pas vous suivre dedans ou ne va pas suffisamment vous encourager, et cela risque de vous blesser un petit peu. Mais derrière, ne vous inquiétez pas, parce que je pense qu'il va y avoir une prise de conscience de votre partenaire qui va revenir vers vous avec tout feu, tout flamme, avec beaucoup de sentiments d'amour et d'envie de réparer les choses. Donc communiquez, exprimez-vous encore une fois dans le calme et les choses vont s'arranger. En tout cas, bon mois d'avril.